Chapitre 32e, la fièvre de mort. Robert se trouvait seul ce jour-là dans l'appartement qu'il occupait avec Raoul rue des Mathurins. Le jeune avocat n'était pas encore revenu du palais. Le docteur, dont c'était le jour de consultation, venait de reconduire son dernier malade. Il mettait en ordre quelques notes et se préparait à aller faire sa visite quotidienne à la patiente du passage Ganneron, quand son domestique lui annonça la visite de Mademoiselle Raymonde. « Je ne te dérange pas, Robert ?» dit la jeune fille en pénétrant dans la pièce qui servait au docteur de cabinet de consultation. « Mais non, ma chère Raymonde, je suis heureux de te voir. C'est pour moi une bonne surprise, à moins. » Il ajouta en riant tout en prenant la main de sa sœur pour la conduire jusqu'à un fauteuil. « À moins que ce ne soit pas ton frère que tu viennes voir, mais le docteur. C'est mon frère que je viens voir. Il en est enchanté. » Et c'est le docteur en même temps. Oh oh. Prenant alors son air grave, comme s'il donnait une consultation, il dit « Bien, voyons, mademoiselle, dites-moi, que ressentez-vous? Tirez la langue, donnez-moi votre pouls. » Raymonde se mit à sourire. « Oh, ce n'est pas moi la malade. Ah, vous venez me consulter par délégation. Je vous dirai que je ne soigne pas de cette façon, ni par correspondance. Je ne suis pas assez savant pour cela. Je viens te voir au nom de mon amie Alice. » Le docteur Robert, en entendant ce nom, cessa aussitôt de plaisanter. « Alice de Briailles ? Oui. C'est elle qui est malade ? Non, pas elle. Ah, je respire. Tu m'as fait, ma chère Raymonde, une fière peur. Tu as pensé qu'à son tour, ma pauvre Alice était atteinte de ce mal inconnu et terrible qui emportait sa mère, son frère, sa jeune sœur ? Oui. Rassure-moi, ce n'est pas elle qui est malade. Non, c'est son fiancé. Son fiancé ? Le capitaine de Casaumont ? Oui. Alice, tu le conçois, est affolée. La mort a tellement frappé autour d'elle qu'elle se demande si un nouveau deuil ne va pas encore s'ajouter aux autres. Il n'y a pas de raison, mais je comprends que ton amie Alice s'épouvante. Ah, il est bien de quoi? En effet, le capitaine de Casaumont malade. Elle ne te dit pas ce qu'il a? Elle ne te donne aucune indication? Non. Elle me dit seulement que son fiancé est couché, qu'il ne peut quitter sa chambre, qu'il n'a pu prendre son service et que depuis son retour, il est en proie à une fièvre des plus violentes. Ah, c'est inquiétant. Le capitaine de Casaumont, par affection pour Alice, qui est ton ami, par sympathie pour ton fiancé, le capitaine de Rennebois, qui est son meilleur camarade, est venu d'Orléans pour assister aux obsèques de notre malheureux père. C'est un bon et brave garçon, très affable, très sympathique. Oh, absolument, un bon cœur. Un homme, tu sais, Robert, comme nous les aimons, nous autres. Oui. Mais cette fièvre soudaine. Voyons, il m'a semblé plein de santé, ce capitaine, très vivant, très fort. Comment se fait-il? Que dit son médecin? Son médecin dit que c'est la fièvre. Quelle fièvre? La fièvre. Comment sais-tu cela? Alice t'a écrit? Elle ne te donne pas de détails? Voici sa lettre. Prends-en connaissance. Tu seras aussi renseigné que moi. Raymonde tendit au docteur la lettre de son ami. Tiens, voilà le passage. Je dis passage, c'est presque toute la lettre, où elle parle de son fiancé. Lis. Robert parcourut la lettre, puis, sur la demande de Raymonde, se mit à la relire à haute voix. « Ma chère Raymonde, je suis désolé de venir troubler ton immense douleur par le récit de mes peines, le souci de mes nouvelles alarmes. Mais à qui avant toi puis-je avoir recours dans ma peine? Quel cœur mieux que le tien peut comprendre mon cœur? Je pleure en t'écrivant, et t'écris comme si je te parlais, en pleurant. Mais tu sauras me lire et tu me devineras. Peut-être, après tous ces malheurs qui se sont, coup sur coup, abattus sur moi, suis-je plus effrayé qu'il n'est de raison? C'est ce que je me dis, c'est ce que je voudrais croire. Mais j'ai peur quand même, hélas, j'ai grand peur. Mon fiancé est venu me voir avant-hier, quand je suis arrivé de Paris avec mon pauvre père de plus en plus abattu. J'ai trouvé Jacques tellement défait, tellement fatigué, que je n'ai pu lui cacher mon anxiété. Il a essayé de me rassurer. « Ce n'est rien, m'a-t-il dit, un peu de fatigue, de surmenage. J'ai voulu monter un cheval pour le dresser, ça m'a secoué, ça ne sera rien. » Mais je l'ai vu changer de couleur, frissonner, grelotter, et presque au même moment, étouffer de chaleur et transpirer horriblement, puis grelotter encore. Il ne pouvait se tenir sur ses jambes, il a failli tomber à terre. « Je suis décidément une poule mouillée, » s'est-il écrié en essayant de sourire. « Allons, je suis un vilain spectacle. » Il vaut mieux que je rentre. Jamais fiancé qui se respecte et tient à conserver les bonnes grâces de celle qu'il adore ne s'est présenté dans cet état déplorable devant sa fiancée. j'ai voulu lui faire prendre un remède, le soigner, car je voyais combien il souffrait malgré tout son courage, tous les efforts qu'il faisait pour me cacher son mal. Il n'a voulu prendre qu'un grog bien chaud. « Excusez-moi, chère Alice, m'a-t-il dit, de ne pouvoir demeurer plus longtemps auprès de vous, mais décidément je suis trop patraque ce soir, comme nous disons au régiment. Je vais rentrer, faire appeler le médecin, et si ça ne suffit pas, le vétérinaire de mon escadron. Avec quelques boulettes de quinine, j'espère qu'ils me retaperont et que demain je pourrai, en forme, venir m'excuser auprès de vous de ma faiblesse, de ma petite comédie de candidat aux Invalides. » Quand il voulut partir, il lui fut impossible de monter à cheval, il serait tombé. Père et moi, nous avons insisté pour qu'il demeurât au château. Il n'a jamais voulu, prétextant que le lendemain il y avait je ne sais quelle manœuvre à laquelle il ne pouvait manquer d'assister. « Comme compensation, dit-il, je vous laisse mon cheval. » Il prit place dans l'automobile et s'en alla, nous laissant dans un état d'inquiétude que tu dois bien supposer. Le chauffeur, en rentrant, nous dit que le capitaine s'était trouvé mal en arrivant et qu'on avait été obligé de le monter chez lui et de le coucher. « Tu dois te rendre compte de la nuit d'angoisse que j'ai passée. Je n'ai pas dormi une seconde. J'ai constamment prié pour mon fiancé. Dès ce matin, mon père est venu me voir. « Je te demande pardon, ma pauvre enfant, me dit-il, de venir chez toi de si grand matin. Mais je me doute que tu es toi aussi souffrante et je viens prendre de tes nouvelles. » Il a vu mes yeux encore rougis par les larmes, et aux bougies dont la mèche carbonisée touchait la bobèche, il a pu se rendre compte de ma veillée. Alors il m'a embrassé longuement. Lui aussi avait les yeux rouges. Et j'avais pu entendre, durant la plus grande partie de la nuit, son pas long, régulier et monotone comme le timbre d'une grosse horloge, faire craquer le plancher de sa chambre, car le sommeil a fui ses paupières que hantent maintenant les larmes. Pauvre père, si bon, si doux, si affectueux. Quel chagrin l'écrase, quelle désespérance le courbe. Je crois que je suis le seul lien qui l'attache encore à la vie. « Ma chère enfant, me dit-il, je ne sais quel mal, sans le vouloir, j'ai pu commettre pour que le ciel nous frappe ainsi. Mais la peine, que je ne veux pas discuter avec l'Éternel pour ne pas l'irriter davantage, me paraît dépasser toute mesure cependant, quand elle arrive à t'atteindre. Je n'ose crier à l'injustice pour ne pas devenir impie, mais je pense au Dieu cruel dont parle l'Ancien Testament, et je tremble. Toutefois, si pour moi je désespère, je veux croire que la fatalité s'arrêtera enfin devant ta vie, et que tu seras épargné dans ce châtiment que tu as encore moins mérité que ton infortuné père. » Accablé, mon pauvre père s'était maintenant laissé tomber dans un fauteuil. Il tenait ses coudes appuyés sur les bras du siège et sa tête lourdement reposait dans ses mains amaigries et tremblantes. Il pleurait, et mon cœur, en le voyant ainsi, lui, si vaillant, si content jadis, toujours si gai, était pris d'une grande pitié. Plus que jamais, je sentais en ce moment peser sur notre maison la main implacable de ce Dieu cruel à l'instant évoqué et nous étreindre tous deux le réseau inextricable de l'atroce fatalité. Enfin, mon père releva la tête. « Comme toi, me dit-il, j'étais surpris hier de l'état du capitaine de Casaumont. J'ai reconnu les symptômes d'une forte fièvre. Je crois que ce ne sera pas grave. À son âge, solide et fort comme il l'est, on ne peut être la proie de la fièvre. On la domine toujours. Cependant, ce que nous a rapporté le chauffeur m'inquiète. Je veux me rassurer et aussi calmer tes angoisses. J'ai donc donné l'ordre de tenir prête l'automobile. Dès que tu seras habillé, nous irons tous les deux prendre des nouvelles de ton fiancé. » Je ne savais comment remercier mon père qui avait prévenu mon plus ardent désir. Il ajouta : « Je souhaite que ce soit le capitaine lui-même qui nous rassure et nous tire d'inquiétude. Le ciel vous exauce, mon père. Allons, mon enfant, habille-toi. C'est toi qui donneras le signal du départ. » Il m'embrassa encore, ou plutôt c'est moi qui lui pris la tête dans mes bras et qui le couvris de mes meilleurs baisers. Tu conçois que ce matin ma toilette a été rapidement faite. C'est à peine si je pris le temps de déjeuner. Du château de Briailles à Orléans, il n'y a que 20 minutes. Elles me parurent longues comme des heures. Enfin, nous arrivons devant la maison où le capitaine de Casaumont occupe un petit appartement. « Attends-moi, » me dit mon père. Les convenances exigent que seul je monte chez un garçon le matin, mais je reviendrai tout de suite te rassurer. » Mon père ne voulait pas, le pauvre homme, je l'ai bien compris, que j'apprise brusquement les mauvaises nouvelles, si mon fiancé allait plus mal, comme tous les deux nous le redoutions. Hélas, mes pressentiments ne m'ont pas trompé. Le capitaine est très malade, très très malade. Avec toutes sortes de ménagements Quelques instants après, mon père dut me le faire connaître. Le capitaine est pris par une fièvre épouvantable. Toute la nuit, il a eu du délire. Le médecin de son régiment et d'autres médecins, des amis, ont passé la nuit à son chevet. Tout le monde est absolument alarmé. Les médecins sont étonnés, ils ne comprennent rien à l'explosion violente de cette fièvre dont la quinine à haute dose ne parvient pas à se rendre maîtresse. Puis, il y a d'autres symptômes des plus déconcertants qui les inquiètent beaucoup. Ils y trouvent des indications de paludisme et à la fois les caractéristiques de la fièvre typhoïde. Or, Jacques a eu déjà la fièvre typhoïde au lycée. Il est extrêmement rare qu'on ait deux fois cette terrible maladie. Raymonde interrompit son frère. « Est-ce que ce cas se présente ?» lui demanda-t-elle. « On peut avoir deux fois la fièvre typhoïde à si long intervalle ?»« Oui, oui, » répondit Robert. « Oui, cela est possible. » « Et la seconde fois, c'est aussi dangereux que la première ?»« C'est toujours aussi dangereux. » Le docteur reprit sa lecture et redit à mi-voix « Les symptômes du paludisme, les caractéristiques de la fièvre typhoïde. » Puis, tout en réfléchissant, il ajouta, sans que Raymond toutefois pût l'entendre, « Paludisme, typhoïde, oui, c'est cela, c'est encore la même chose. » Et il conclut, « Étrange, bien étrange. » Il reprit la lecture de la lettre de la malheureuse Alice. Comme il devait y avoir encore une consultation de la matinée, mon père n'a pas voulu rentrer sans en connaître le résultat. Nous sommes donc restés à Orléans, où nous possédons, comme tu le sais, une petite maison qui nous sert de pied-à-terre pour nos courses en ville. Mais je n'ai pas voulu attendre l'issue de cette consultation qui, pour moi, ne peut qu'aggraver ma douleur. Je suis monté dans ma chambre et je t'écris cette longue lettre. Maintenant que tu sais tout ce qu'en ce moment j'endure, tu vas, ma chère Raymonde, malgré ta propre douleur, partager mon angoisse. Je connais ton cœur et je n'ai pas honte. Je ne me fais pas scrupule de l'invoquer. Tu pourrais, sinon me tirer d'alarme, du moins me tranquilliser. Vois-tu, je ne nie pas la science des médecins qui sont auprès de Jacques. J'ai confiance dans leur dévouement. Mais je n'espère qu'en un seul homme, dont l'intelligence et le savoir sont infiniment supérieurs. C'est lui qui, j'en suis sûr, saura porter le diagnostic définitif, exact. Lui qui pourra reconnaître le mal étrange, mystérieux, qui frappe le capitaine. Lui seul, enfin, pourra combattre victorieusement ce mal. Lui seul pourra me rendre mon fiancé. Cet homme, tu le devines, c'est ton frère, c'est le docteur Montreuil. Ah, si tu le décidais, s'il venait. Robert n'acheva pas. Ma chère Raymonde, dit-il en rendant la lettre à sa sœur, nous allons envoyer à ton amie Alice un télégramme lui annonçant mon arrivée. Raymonde sauta joyeusement au cou de son frère. Ah, Robert, que tu es bon, que tu es bon. Je n'osais te demander cela, mais ton cœur a parlé comme mon cœur. Merci pour ma chère Alice. Robert, gravement, répondit à sa sœur. Raymonde, ne me remercie pas. Pourquoi ? Nous devons à ton amie Alice et à son fiancé, le capitaine de Casaumont, une longue dette de reconnaissance. Comment cela, Robert ? Alice et le marquis de Briailles, son père, sont venus à l'enterrement de notre père. Le capitaine de Casaumont nous a assistés avec ton fiancé dans ces heures douloureuses. Ils étaient près de nous, eux, quand tous les autres fuyaient notre maison endeuillée. Nous ne devons pas oublier cela. C'est vrai, Robert, c'est vrai. Puis Raymond demanda, « Quand penses-tu partir, Robert ?»« Mais par le plus prochain train. » Raymond dit alors à son frère, « Et si je t'accompagnais, si j'allais avec toi, j'en serais heureux. Je me trouverais auprès d'Alice dans sa nouvelle épreuve, comme elle s'est trouvée auprès de nous dans notre peine. Je ne puis que t'approuver. Cependant, tu laisserais notre mère toute seule. Raoul nous remplacera. Mère comprendra la situation et nous approuvera tous deux de remplir cette sorte de mission de reconnaissance. J'en suis certain. » Comment allons-nous faire? Voici. Tu vas rentrer à la maison préparer ta valise, faire préparer la mienne. Moi, je dois avoir un ou deux malades qui m'attendent. Je vais leur ordonner de se bien porter sans moi pendant les deux ou trois jours que nous resterons là-bas. Puis je te retrouverai à la maison. Et Raoul? Raoul trouvera un mot ici lui disant de venir nous rejoindre le plus tôt possible. C'est cela. Tu te charges du télégramme? Parfaitement. Bon, moi j'aurai le temps d'envoyer un mot à Irène de Baltour pour lui dire tout cela. Irène de Baltour n'est donc plus à Paris? Non. Elle était venue seulement comme Alice pour l'enterrement, puis elle repartit le lendemain. Elle est au fond de la Bretagne auprès de son père qui vit, tu le sais, comme un ours dans son manoir. Assez causé, ne perdons pas de temps. Tu choisiras le train. Je me fie à toi. Au revoir. Raymonde serra cordialement la main de son frère, qu'elle appelait son bon Robert, et elle se fit reconduire par son automobile rapidement chez sa mère. Resté seul, Robert traça quelques mots qu'il alla piquer bien en vue sur le bureau de son frère. Puis il libella un télégramme à l'adresse du marquis de Briailles pour annoncer son arrivée et celle de Raymonde et donner l'heure du train qu'ils allaient prendre. Ensuite il écrivit un second télégramme. « Il faut que vous veniez immédiatement Château-Briailles, près Orléans. Votre présence indispensable. Vous expliquerez. Casaumont gravement malade. » Il signa « Docteur Robert ». Et ce télégramme, il l'adressa à Fontainebleau au capitaine de Rennebois. Lui-même, pour être plus certain de leur expédition, il alla porter au bureau du boulevard des Capucines les deux télégrammes. Ensuite, il prit une auto et se fit conduire jusqu'à la place de Clichy. Peu après, il se trouvait au chevet de Madame Ménardier, étonnée de le voir arriver si tôt. « Je viens vous ordonner, madame, dit-il à la malade, de vous porter très bien pendant 3 ou 4 jours. « Pourquoi cela, docteur ? Demanda la malade, inquiète. « Parce que je vais être absent pendant ce temps, que je ne pourrai vous voir. « Mais docteur, je vous l'ai dit, vous êtes trop bon, et vous ne devriez pas me consacrer tant de temps, ni venir ainsi me voir tous les jours. « En principe, madame, les médecins doivent faire le plus possible de visites aux malades. « C'est comme cela, paraît-il, qu'ils peuvent les guérir. « Moi, je pense que c'est quand le médecin est loin que le malade va mieux. « Je ne suis pas fâché d'en faire encore une fois l'expérience. « Aussi, comme un malade me réclame en province, je vous abandonne sans scrupule pendant ces quelques jours, et dès mon retour, je viendrai voir le mieux apporté par mon nouveau traitement. » Toutefois, il donna à Marie ses instructions. Rassuré d'ailleurs par l'état à peu près stationnaire de la pauvre femme, il savait qu'à moins d'un coup imprévu, il n'y avait aucun péril à redouter. Pour plus de précautions, il envoya un mot à Fernand sur le dévouement de qui il pouvait absolument compter. Puis, tranquille, il se fit conduire rue Chalgrin, et il prenait avec Raymonde le premier train de la soirée à destination d'Orléans. Lorsque Alice de Briailles accourut à Paris dès la réception du télégramme lui annonçant l'assassinat du banquier Montreuil, elle se jeta dans les bras de Raymonde, on s'en souvient sans doute, lui disant « Nul plus que moi ne peut comprendre ta douleur. Coup sur coup, 3 deuils viennent de m'accabler. J'ai perdu ma mère et mon frère aîné, emportés par un mal épouvantable, mystérieux, devant lequel toute science, tout dévouement demeurèrent impuissants. Et dernièrement, tu es venu m'assister quand ma jeune sœur a été frappée elle aussi par cette implacable maladie. » Le docteur ne put voir Madame de Briailles ni son fils tant leur mort arriva promptement. Ils furent, pour ainsi dire, foudroyés. Il n'eut avec son frère Raoul et Raymonde que le temps d'arriver de Paris pour assister aux obsèques. Toutefois, il put être présent à l'agonie atroce de la fillette. Or, aujourd'hui, le début de la soudaine maladie du capitaine de Casaumont présentait à ses yeux une grande analogie avec celui des cas, hélas, qui, 3 fois déjà, amenèrent la mort dans cette maison. Le docteur Robert s'empressa d'accourir, non seulement comme ami de la famille de Briailles, mais aussi en tant que médecin désireux de voir, d'étudier ce mal qu'il soupçonnait et dont il n'osait encore prononcer le nom. Il espérait, si ce mal était le même, arriver à le préciser, à le démontrer scientifiquement, et à écarter enfin l'angoisse que causait cet inconnu terrifiant. On ne sut en vérité à quoi attribuer la mort de Madame de Briailles. Les médecins conclurent à une décomposition du sang qu'ils attribuèrent à l'albuminurie, à l'urémie, à un état morbide général, à un mal latent que n'avouait pas la défunte ou à une imprudence. Le décès du fils présenta de tels symptômes de modification des tissus, de gonflement des muscles, d'abcès purulents et de décomposition rapide que l'on diagnostiqua le tétanos. Cela, non sans apparence de vérité. En effet, le jeune de Briailles secondait son père dans ses travaux agricoles, dans les soins de ses élevages. Il était constamment soit aux champs, soit aux étables, soit aux écuries. Il pouvait par conséquent avoir été piqué par une mouche charbonneuse. D'ailleurs, il se souvint et déclara qu'en montrant au palefrenier comment il fallait opérer le pansement d'un cheval malade, il s'était écorché un doigt. Peut-être était-ce à l'origine du mal terrible qui devait l'emporter. Quant à la jeune fille, elle était saine, très robuste et en pleine santé. Elle ne se mêlait pas comme son frère aux travaux agricoles, aux soins de l'élevage. Toute son occupation à la campagne consistait à conduire son poney attelé à un panier, et quand elle se rendait dans une ferme, une métairie, c'était seulement à l'heure du goûter pour boire du lait mousseux nouvellement trait. Elle ne touchait ni aux animaux, ni aux instruments agricoles. D'ailleurs, elle abritait sa jolie figure sous un grand chapeau, sous une voilette, et portait toujours des gants. donc elle était hors d'atteinte des mouches ou des mauvais insectes. Les médecins, devant le mal qui à son tour la frappait, demeurèrent perplexes. Les symptômes étaient tellement étranges, déconcertants, pour ainsi dire inconnus en France, qu'ils hésitaient à donner à cette maladie un nom certain. Toutefois, après une longue consultation, l'avis auquel ils se rangèrent fut qu'ils se trouvaient en présence d'un cas de fièvre typhoïde, cette cruelle maladie qui revêt de si bizarres formes. Celle-ci offrait tous les caractères du typhus et se compliquait de méningite. L'enfant ne pouvait être sauvé. Sa jeunesse lutta contre le mal, mais la mort finit, malgré tous les soins, malgré tout le secours qu'apportait la science moderne, par triompher épouvantablement. Le docteur Robert Montreuil se trouvait à ce moment au château de Briailles. Il avait accompagné sa sœur Raymonde. Il arriva trop tard pour prendre part à la consultation des médecins et ne put que constater sur le cadavre les dégâts causés par le mal. Le docteur Robert fut étrangement frappé. Lui non plus n'avait jamais trouvé dans sa clientèle ou dans les hôpitaux un cas pareil. Mais comme son professeur, son maître, appelé à la consultation, s'était prononcé, il ne crut pas, par déférence, devoir donner son avis. Cependant, il demanda, non au marquis de Briailles, abattu et semblant n'avoir plus conscience de ce qui se passait autour de lui, mais à Alice, l'autorisation d'étudier encore ce mal et la permission de pratiquer l'autopsie du cadavre. Poussé par un sentiment que l'on comprend, par un scrupule de sœur aimante, Alice de Briailles ne voulut pas, croyant que ce serait une profanation inutile que le scalpel déchira encore ce pauvre petit corps si torturé, si déformé et déjà si grandement sujet d'épouvante. Le comte de Marnay, neveu du marquis de Briailles, partagea l'opinion de sa cousine. Robert Montreuil respecta donc la volonté des parents. Il ne toucha pas au cadavre de la fillette, mais il participa à son ensevelissement et tout en aidant à faire la suprême toilette de ce corps, qui était quelques jours auparavant une vivante et rieuse jeune fille qu'on dévorait de baisers et qui maintenant épouvantait jusqu'aux religieuses infirmières, cependant habituées au funèbre spectacle, le docteur poursuivait son étude. Non satisfait de cela, il put en cachette emporter les derniers linges, les derniers pansements qui entouraient le corps de la fillette et que le pus des plaies avait tachés. Précieusement, dans le plus grand secret, il les mit à part, les serra dans une serviette de cuir et les enferma dans le fond de la malle qui l'accompagnait. À sa sœur Raymonde qui le questionnait, il répondit « Bien qu'on m'ait refusé de me laisser pratiquer l'autopsie, je crois savoir de quel mal est morte cette pauvre enfant. Ce n'est pas de la fièvre typhoïde, non. Mais mon maître et les autres docteurs approchaient de la vérité. Le mal est tellement étrange qu'il n'est pas étonnant que ces maîtres de l'art n'y aient pas songé, ou en aient écarté le nom, comme impossible. » Fantastique. Et toi, Robert, tu crois ? Le docteur, nous le savons, fit alors cette réponse à la sœur. Moi, je veux d'abord analyser au microscope ce que j'emporte. Je veux découvrir dans ces déjections, ces traces de plaies, le bacille que j'y crois trouver pour bien asseoir ma conviction, me fournir à moi-même des preuves irréfutables avant de prononcer le nom de ce mal, tant ce nom est horrible et répandrait la terreur. Le docteur Robert, rentré à Paris, se mit au travail. Mais il ne voulut rien dire du résultat de ses recherches et se contenta de déclarer qu'elle serait plus longue qu'il ne le pensait, tout en demandant à Raymonde de toujours garder le secret sur ses études. On comprend maintenant combien grand était son empressement à se rendre à l'appel désespéré d'Alice de Briailles. Le lendemain matin, il se trouvait dans la chambre du capitaine de Casaumont. Pour éviter de froisser la susceptibilité des majors et des médecins qui prodiguaient leurs soins aux malades, le marquis de Briailles l'accompagna et le présenta lui-même, en invoquant sa qualité d'ami de la famille autant que ses titres de notoriété. Le nom du docteur Montreuil, au demeurant, était célèbre parmi ses confrères. Ils eurent la bonne grâce d'accueillir sans hostilité, sans jalousie, le jeune maître dont ils reconnaissaient l'autorité scientifique et dont ils appréciaient la simplicité d'allure et la cordiale modestie. Ils se déclarèrent tous enchantés de connaître l'opinion du docteur Montreuil, en ce cas qui les intriguait si fortement. Avec complaisance, ils donnèrent au docteur Robert tous les renseignements qu'il demanda et lui communiquèrent toutes les observations qu'ils avaient pu faire durant ces 2 jours. Alors Robert s'approcha à son tour du capitaine. Celui-ci le reconnut à peine. Il était toujours accablé et se trouvait, tour à tour, secoué par des mouvements fébriles qui lui tordaient les membres, ou plongé dans une torpeur ressemblant fort au coma. Parfois, il grelottait, et à d'autres moments, il étouffait de chaleur et se couvrait d'une sueur abondante, âcre et fétide. Des plaques colorées, verdâtres, apparaissaient sur son corps, et sous les bras, aux plis de laine, des ganglions engorgés se montraient comme de gros clous cherchant à percer. Robert étudia tout cela et dit au docteur « Votre diagnostic est exact, messieurs. Nous sommes bien en présence d'un accès de fièvre paludéenne que le capitaine a dû contracter dans une excursion, une partie de chasse en pays marécageux. Il est rare, en effet, de constater dans nos pays un accès aussi violent, mais une exception peut se produire, hélas, en médecine comme en toute autre chose. Cependant, à cette violence, très rare fort heureusement dans ce pays, nous pouvons trouver sinon une raison, du moins une explication que je soumets à votre jugement sans vouloir l'imposer à votre opinion. À mon avis, ce qui donne à cette fièvre, qui serait bénigne en d'autres temps, ce caractère fortement paludique, c'est qu'elle arrive compliquée de la fièvre typhoïde d'une rechute soudaine, car le capitaine a déjà eu une fois la fièvre typhoïde, et les rechutes dans pareilles conditions sont toujours beaucoup plus graves. D'où cette fièvre qui est non seulement très violente, mais double, si je puis ainsi dire, et qui se complique de toutes les aggravations de l'accès typhoïde. Les majors et les médecins civils déclarèrent se ranger à cette déclaration, qui ne faisait au demeurant que corroborer leur opinion générale. Ils indiquèrent ensuite au docteur Montreuil le traitement qu'il faisait suivre au patient. Robert l'approuva. Il recommanda seulement d'augmenter la dose de quinine. « Il faut à tout prix, dit-il, couper cette fièvre. Le reste ensuite ira tout seul. » Alice et Raymond attendaient avec une anxiété des plus grandes le retour de Robert après la consultation. Ce qu'il allait dire devait être parole d'oracle infaillible pour elle. « Eh bien » demanda-t-on au docteur dès qu'il parut sur le pas de la porte. Robert, à qui la gravité exceptionnelle de l'état du malade n'avait nullement échappé, crut devoir la cacher aux yeux des jeunes filles et du marquis. « Eh bien, » dit-il, affectant une tranquillité qu'il était loin de ressentir, « eh bien, ça ne va pas si mal que ça. » Alice s'écria. « Parlez, docteur, parlez, dites-moi la vérité. »« Je vous l'ai dit, mademoiselle. Je vous déclare que tout en le comprenant, certes, je crois que vous avez grandement tort de vous alarmer de cette façon. Alors, Jacques est sauvé. Ne croyez pas que vous pourrez le voir ce soir ou demain caracoler sur son cheval. Mais vous le guérirez, je l'espère. Vous me jurez que vous le sauverez. Un médecin ne jure jamais. Enfin, promettez-moi. Je vous promets. Voyons, mademoiselle, je vous promets de tout faire pour le rétablir. Oh, du moment que vous le voulez, que vous vous en chargez. Ne me donnez pas un pouvoir magique que je n'ai pas. » Raymond dit à Alice, « Mon frère ne s'engage jamais. Si tu le connaissais, tu saurais qu'ici il s'est avancé plus que jamais il ne l'a fait. Du moment qu'il nous dit que probablement il sauvera ton fiancé, cela veut dire que le capitaine peut être dès ce moment considéré comme hors de danger. » Alice, heureuse, eut une détente de nerfs. Elle voulut parler, remercier Robert, mais elle ne put articuler un mot et elle tomba dans les bras de Raymond en sanglotant. En souriant cette fois, Robert dut proposer son ministère pour sauver maintenant la jeune fille. Toutefois, l'espoir, la confiance étaient revenus dans la famille de Briailles. Raymond et Alice purent rentrer au château.